Et avant tout, les poulets. N'oubliez pas de me faire penser aux poulets. C'est très important. Je ne sais pas quelle objection vous pouvez avoir à ce que Pilate, à 3 heures de relevé, ce qui était pour les anciens la 9e heure, se trouva profondément endormi. Il ne faut pas oublier que c'était un fonctionnaire colonial, que par conséquent, la sieste était pour lui une impérieuse habitude, obligé par métier de faire des tournées d'inspection dans des régions malsaines comme la plaine de Jaffa et la région du Jourdain. L'étonnant serait qu'il n'eût pas souffert d'un peu de paludisme. Et d'autre part, il venait d'avoir une nuit terrible. Si vous aviez jamais eu la responsabilité de l'ordre à maintenir avec une poignée de mercenaires dans une de ces villes asiatiques, d'habitude plates et inertes, mais où tout à coup, sans que l'on sache pourquoi, la soupe se met à bouillonner, vous comprendriez ce que je veux dire. La Pâque juive, c'était quelque chose comme le Ramadan ou le Moharem. Jérusalem était bondée de pèlerins venus des quatre coins de la Méditerranée. Une atmosphère d'excitation et de fanatisme, et en même temps des gens en vacances, libérés de leurs environs ordinaires et du regard de la gendarmerie, sans compter l'écume qu'entraînent toujours avec elles ces manifestations populaires. Et alors, après les 1000 soucis d'une journée surchargée, le coup de force vraiment inadmissible de ces sacrés prêtres, cette arrestation en pleine nuit, ces ruées furibondes du tribunal de Caïphe à celui d'Anne, ces vieux boucs dans toutes les directions qu'on transbahute au galop par les rues étroites dans leur litière, avec une torche qui les précède et les badauds qu'on écarte à grands coups de cadouille. Puis enfin, au matin, la procédure régulière, la comparution à mon prétoire, cet effort vraiment remarquable et réussi pour ramener ce chaos de frénétique à une apparence d'ordre et de correction sans qu'il y ait eu émeute, mort d'homme, intervention trop brutale de la troupe, ni vraiment matière du côté de Rome à autre chose que ce silence rechigné qui est l'approbation des bureaux, ce mélange de fermeté, de condescendance et d'ingéniosité. Vraiment, après un tel effort et un tel résultat, la nécessité d'un peu de repos peut se comprendre. Et alors, tout à coup, exactement à 3 heures, se réveille, et tout ce qui s'est ensuivi jusqu'au coucher du soleil, si toutefois il y avait encore un soleil au firmament, ou si plutôt l'astre normal n'avait pas jugé bon de retirer sa présence à cette caverne illuminée par la torche des furies. Je proteste, poussé par le sentiment de la vérité, et après un froid examen de ma conscience de fonctionnaire, je proteste que dans toute cette série d'événements subitement déchaînés, et où je ne suis pour rien, je suis irréprochable. Je m'expliquerai quand on voudra surtout, mais dès maintenant, je dégage ma responsabilité. Tout cela s'est passé entre youpins. C'est leur affaire. Moi, je suis fonctionnaire de Rome. Ma tâche était de maintenir l'ordre. Il n'y a pas à me demander autre chose, ni de comprendre quoi que ce soit à ces égorgements de synagogues. L'important est de dominer ses nerfs, de refouler énergiquement dans l'oubli et dans le néant certains faits qui nous mèneraient bien vite à l'égarement si l'on y arrêtait sa pensée. Non, non, pas de ces complaisances dangereuses. Ce qu'il faut voir, c'est le résultat. Rome se tait, Hérode s'est réconcilié avec moi, le Sanhédrin m'a remercié par un papier officiel, malgré le petit incident de l'inscription, un plaisir que je n'ai pas pu me refuser. Alors, que me demander de plus? Si ces sauvages ont vraiment sacrifié leur dieu, c'est leur affaire et je m'en lave les mains. Que son sang, comme ils disent malproprement, leur tombe sur la tête. Mes dieux à moi, ce sont ces saints bons petits lards administratifs qui m'ont toujours fourni un bon service moyen au cours de mes déplacements. Vous n'allez pas croire tout de même que je trempe dans ces ignobles superstitions asiatiques. Non. Ce qu'il y a de grave, c'est que les poulets ne veulent pas manger. Je n'ai jamais vu ça. J'ai pourtant suivi exactement les instructions du rituel. Auspicia extripudis, que l'on nous fait apprendre par cœur pour l'examen d'entrée. J'ai même employé les petits trucs plus ou moins loyaux, mais recommandés par la pratique quand ces sales animaux font trop les difficiles. Rien n'y a fait, ils ne veulent pas manger. J'ai cru que c'était la faute de ces poulets de Palestine. Je me suis fait envoyer à grands frais par la valise ces superbes volailles pontificales à coupe pelée qui ont reçu sur l'aile le sein du Collège des Augures. Quelques sacs du millet le plus appétissant de la Sabine les accompagnaient, rien n'y a fait. Dès qu'on les met en présence de mes saints bons dieux, ils ne veulent pas manger. Et si l'on insiste, ils préfèrent claquer. Comme on dit en langage juridique, hic et nunc. Alors que croire? D'un côté, il y a ma conscience de fonctionnaire qui ne me reproche rien. Et d'autre part, il y a les poulets. Où est la vérité? Et alors ça revient, ça recommence. Et pour ne pas devenir complètement fou, il faut se prendre le cœur à 10 doigts et à 2 mains, se réveille en sursaut, au bruit des tuiles qui tombent et des meubles qui dégringolent. La grosse livie en faux bronze que mon prédécesseur m'a laissée et qui pèse 1,5 tonnes, je l'ai trouvée le nez par terre au milieu de mes salades. Un tremblement de terre comme je n'en ai pas vu beaucoup. Et qu'est devenu le soleil? Il n'y a pas de soleil. Quelqu'un a étouffé le soleil. Il n'y a aucun nuage et il fait noir. On ne distingue plus que des étoiles peu rassurantes. Et là-bas, une espèce de phénomène sanguinolent qu'il est difficile de prendre pour la lune. Ajoutez à ça ces femmes désespérées, ce torrent de pieds à toute vitesse qui déboule par les petites rues en cascade, ces hurlements inhumains auxquels succède tout à coup un silence non moins désagréable. Et alors, 1, 2, 3, 4, le temps de compter 10, le temps de compter 25, le battement de cette aile glacée. Le Tartare a ouvert ses portes, un passage s'est ouvert au travers du fleuve Achérontiaque. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire, c'est aussi bien comme ça. Mais je vous engage à relire la petite pièce de vers que j'ai écrite à l'époque. Relisez-la. On peut dire des choses en vers qui ne seraient pas acceptées dans un rapport administratif. Dans tout ça, je le répète avec force, où est ma responsabilité? Crucifié sous Ponce Pilate. Bien sûr qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. Je me demande quel autre genre de rapport j'aurais pu avoir avec lui. On dirait que toute l'histoire romaine s'est développée à son profit. Que toute la machine juridique, diplomatique, militaire, des consuls et des empereurs a été construite à son intention particulière. Le moment venu, tout a fonctionné comme de soi-même. On aurait dit qu'on l'attendait, que chacun avait son rôle distribué et qu'il l'avait étudié jusque dans le moindre détail. J'ai à peine eu besoin d'intervenir. Le scénario, pour ainsi dire, me portait. Tout marchait dans la même direction, avec une autorité irrésistible. S'il y a quelqu'un qui ait gardé un peu de tête, c'est moi. Mais toutes les objections que me suggérait l'humanité ou le sentiment de la bonne procédure étaient emportées comme des fétus de paille. Par exemple, Barabbas, le fils à papa, comme l'appelaient mes jeunes attachés. Barabbas était une idée de génie. Mon vieux greffier, qui a 40 ans de pratique, en était dans l'admiration. On ne pouvait pas mettre plus élégamment et plus authentiquement les points sur les i et ces messieurs du temple en présence de leurs responsabilités exclusives. Les gredins l'ont bien compris, si vous aviez vu leur figure. Ils ont grincé des dents. L'épisode impromptu d'Hérode également a été assez heureux. Il fallait que chacun eût sa place dans la tragédie, que personne ne fût oublié. Après ça, mon rôle a été purement automatique. L'appareil pénal, une fois déclenché, fonctionnait comme de lui-même. Il n'y avait plus qu'à se laver les mains et à aller dîner. Après avoir pris l'équivalent de ce que vous appelleriez aujourd'hui un cachet d'antipyrite. Je demande donc que l'on m'explique ce qui a pu déterminer l'attitude inamicale de Madame Ponce-Pilate. Elle ne s'attendait pas tout de même que pour des rêves de femme, un magistrat aille risquer sa position et suspendre la majesté de Rome. Elle a disparu avec sa servante et je n'ai pu savoir ce qu'elle est devenue. Des gens prétendent qu'ils l'ont vue à Antioche. Fort bien, j'en suis pas autrement fâché. La liberté a son prix. Mais il y a quelque chose dans son cas qui ne me laisse pas une liberté d'esprit absolue. Il est évident qu'elle me désapprouve. C'est comme les poulets. C'est étonnant combien on a de peine à faire comprendre aux gens du monde le point de vue professionnel. Prenons une question de procédure pénale, comme celle dont j'avais à m'occuper, et qui, considérée en elle-même, constitue somme toute une espèce assez banale. Le public se figure qu'il n'y a qu'une chose à tirer au clair, à savoir si l'accusé est coupable ou pas coupable. Mais le magistrat, et spécialement celui qui, comme le magistrat colonial, occupe une situation exceptionnelle, le magistrat a à tenir compte de beaucoup d'autres éléments. Il a à apprécier le trouble que l'individu soumis à son jugement introduit dans l'ordre social et les moyens les plus expédients d'y porter remède. L'accusé peut ne pas être coupable personnellement et en même temps, il peut être coupable socialement. Il peut n'avoir commis aucun acte qui tombe spécifiquement sous le coup de la loi et qui comporte une sanction. Et cependant, il peut avoir déterminé un dommage social, parfois considérable, qu'il est tenu de réparer. Il n'y a pas d'innocent contre l'ordre public. Ce serait un dieu lui-même qui aurait été amené à mon prétoire, que je n'aurais pas jugé autrement. Votre intangibilité propre résulte de la sécurité que vous présentez au regard de vos voisins et de l'édifice civique. Si vous le compromettez par des gestes inconsidérés, en dehors même de ceux qui sont catalogués dans mon répertoire, vous vous fiez beaucoup trop à des définitions littérales auxquelles un homme de métier ferait un tout autre reproche que celui de manquer d'élasticité. Quand j'ai entendu la voix du peuple, au terme de cette procédure de Haro, formuler l'opinion que celui qui acquitterait l'accusé serait un ennemi de César, j'ai compris qu'il fallait le tenir comme condamné par une sorte de jury spontané émané du sein de ses propres citoyens et qu'il ne me restait qu'à entériner en soupirant la sentence. Qui en effet serait meilleur juge des nécessités de sa propre conservation que le corps social lui-même? Comment ne préférerais-je pas à la thèse d'un individu isolé le bien de l'Empire, dont, comme fonctionnaire, je suis le représentant, et dont il est bien naturel pour moi de penser que ma propre position ne forme pas l'élément le moins intéressant. Ouais. Telles sont les réflexions qui, chez un homme d'expérience, mériteraient plutôt le nom de réflexes qui m'ont permis de faire face instinctivement et instantanément à une situation embarrassante par une décision et par une attitude qui sauvegardait à la fois les intérêts de César et les délicatesses d'une conscience avertie. Il y a pourtant, je dois le reconnaître dans cette affaire, en dehors des symptômes occasionnels que je viens de toucher, quelque chose de grave qui est resté irrésolu et en suspens. Pourquoi, si dans toute cette affaire ma conduite professionnelle, comme ma conscience 20 fois par jour prend soin de me l'affirmer, a été remarquable et excellente, pourquoi ma pensée se reporte-t-elle sans cesse à cet épisode judiciaire? Pourquoi ne cesse-t-elle pas d'en repasser et d'en repeser tous les points de fait et de droit? Et comment se fait-il que de cet inconnu gigantesque qui se tenait devant moi et que j'avais à acheminer à son destin, il n'est pas interdit de penser que dans cette taille anormale résidait une des raisons principales de l'animosité que ses compatriotes paraissaient lui porter. Mais comment se fait-il qu'il me soit impossible de me rappeler aucun trait? Quel était son visage? C'est comme si je ne l'avais jamais vu. Mais plus que tout, ce qui me tourmente, c'est la dernière question que j'ai posée. et dont il est impossible de me rappeler les termes. À ce moment, j'ai été appelé hors du prétoire et je n'ai pas eu le temps d'attendre la réponse. J'ai le sentiment aujourd'hui que j'aurais dû le faire, que la question était d'importance et que la réponse aurait pu avoir une influence sur l'issue du procès. La communication est coupée. Mais, à la suite de ce filet de voix d'outre-tombe, rien ne vous empêche de laisser le récit continuer tout seul et comme par son propre poids, en lui-même. Qu'est-ce qui se passe? À quoi rêve-t-il quand il dort? Qu'est-ce qui se manigance dans les sous-sols? Quelle porte souterraine au fond des nuits d'insomnie écoute-t-il s'ouvrir? Quelle rumeur d'une foule en fureur qui arrive? Et tout à coup se tient devant lui cet accusé gigantesque dont il est impossible d'identifier le visage. Quelle sensation d'une civilisation qui s'écroule à la lueur d'un soleil voilé, précédant la reprise et la mise en marche une fois de plus de l'effrayant cortège. Et sans cesse dans son esprit, s'ajoutant, se superposant, s'insinuant, s'intercalant, s'attaquant, se confrontant, tournant l'une autour de l'autre, ces deux grandes paroles qui pour lui constitue le reliquat du procès. Voici l'homme. Qu'est-ce que la vérité? Voici l'homme. Qu'est-ce que la vérité? La vérité. Voici l'homme. Voici l'homme. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité?